إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est arrivé aujourd'hui au cours numéro 14 dans la série des dros de Al-Mulakhas Al-Fiqhi, écrit par le Cheikh Saleh Al-Fawzan, et on continue aujourd'hui avec le chapitre Babun fi arkani salati wa wajibatiha wa sunaniha, c'est-à-dire le chapitre qui parle des piliers de la prière, de ses obligations et de ses aspects qui sont recommandés, qui font partie des choses qui sont sunna, c'est-à-dire non obligatoire. Et donc le cheikh il commence en disant: ayyuha al-muslim inna as-salata ibadatun 'azima tashtamilu 'ala aqwalin wa af'alin mashru'atin wa tatakawwanu minha صفتها الكاملة نعم فهي كما يعرفها العلماء أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. Donc le cheikh il commence en expliquant que la salat c'est une grande adoration. Elle est faite de différents aspects ou de différents aspects, c'est-à-dire elle comprend des paroles et elle comprend également des actions qui ont été ordonnées et commandées par Allah subhanahu wa ta'ala, et ces actions et ces paroles là eh ben ça complète l'aspect ou disons la description complète de la salat. OK, et donc le cheikh il dit que les ulama ont défini cette salat, comme on l'a déjà dit au début, que c'est une salat qui est définie par les ulama comme étant des actions et des paroles qui sont débutées par un takbir, c'est-à-dire on commence par en disant Allahu Akbar, et qui sont terminées par un taslim, c'est-à-dire à la fin de la prière on dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Donc ça c'est la fin de la salat. Et bien sûr, c'est fait dans le but d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la définition vraiment raccourcie ou résumée de qu'est-ce que signifie la salat. Ensuite, le cheikh il dit: وهذه الأقوال والأفعال الثلاثة وهذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام أركان واجبات وسنن. Donc ces paroles et ces actions qu'on est commandé de faire dans la salat, elles sont divisées en trois catégories: les piliers, les obligations et les choses qui sont pas obligatoires, qui sont recommandées. Donc le premier c'est al-arkan. Le cheikh dit: fal-arkanu idha turika minha shay'un batalat as-salat sawa' kana tarkuhu 'amdan aw sahwan aw batalat ar-rak'a allati tarakahu minha wa qamat allati taliha maqamaha kama ya'ti bayanuhu inshallah. Il dit que les piliers les piliers c'est quoi? C'est quelque chose que lorsque tu l'as abandonné, que tu l'as pas fait, يعني toute ta prière n'est pas acceptée, elle n'est pas bonne, elle n'est pas valable. Peu importe que tu l'aies abandonné volontairement ou par erreur ou négligence ou par oubli, hein, dans ce cas-là, comme le cheikh il dit, ta prière n'est pas valable. Ou bien parfois, c'est pas ta prière au complet qui n'est pas valable, mais uniquement la raka'a dans laquelle tu as oublié quelque chose ou tu as laissé quelque chose de ces piliers-là. Et le cheikh il dit, celle que tu vas faire par la suite, elle va la remplacer, cette raka'a. C'est-à-dire, quand tu as oublié un des piliers de la salat dans une raka'a, eh bien, tu fais comme si tu ne l'avais pas fait, et puis tu la remplaces par celle qui suit. Et on va voir les règles de ça, inshallah, tout de suite après, inshallah. Le cheikh, il dit ensuite, wal wajibat, c'est-à-dire les obligations dans la salat. Le cheikh, il dit, إذا ترك منها شيء عمدا بطلت الصلاة وإن كان تركه سهوا لم تبطل ويجبره السجود السهو. Le cheikh il dit que les obligations, hein, c'est différent que les piliers. Les obligations, le cheikh il dit que si on en oublie ou on laisse quelque chose volontairement, donc la salat elle est pas valable. Si on laisse volontairement, alors c'est pas valable, la prière est nulle. Mais si on le laisse ou on l'oublie par négligence ou par oubli, c'est-à-dire quand je dis négligence, il faut comprendre que c'est-à-dire par oubli, ou bien parce qu'on n'a pas fait attention, on s'est trompé par erreur. Dans ce cas-là, ta prière, elle n'est pas nulle complètement. Tu as seulement à faire qu'est-ce qu'on appelle sujud de sahou, c'est-à-dire deux prosternations que tu fais à la fin de la prière pour corriger l'erreur ou l'oubli que tu as eu durant la prière. D'accord. Troisièmement, il y a as-sunan, hein, c'est les choses qui sont recommandées, qui ne sont pas obligatoires. Le cheikh il dit la tubtal as-salah بترك شيء منها لا عمدا ولا سهوا ولكن تنقص هيئة الصلاة بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كاملا أو كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسننها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث. donc le cheikh il dit que les choses qui sont pas obligatoires ni qui sont pas des piliers également, donc ça c'est des choses qui sont recommandées, et le fait d'oublier quelque chose ou de laisser quelque chose de ces choses là que ce soit volontaire ou involontaire, eh ben elle n'annule pas la prière. Ça fait seulement en fait que ça diminue de sa récompense, ça diminue de sa récompense lorsque tu par exemple néglige d'appliquer certaines choses recommandées dans la salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une salat qui était complète, parfaite, avec tous ses piliers, toutes ses obligations et toutes ses choses recommandées, et il a dit aux sahaba, il leur a dit priez comme vous me voyez prier ou comme vous m'avez vu prier. Donc c'est pour nous donner l'exemple de la prière qui est parfaite, qui est complète. Ensuite le cheikh il dit القسم الأول أركان الصلاة أربعة عشر وهي كما يلي. Donc il dit que là on commence à expliquer le premier point, c'est-à-dire les piliers de la salat, et ils sont 14, c'est-à-dire qu'il y a 14 piliers de la salat. Et le cheikh il commence à les expliquer, il les donne un par un avec les preuves pour montrer que ce sont des piliers. Donc il dit en premier الركن الأول القيام في صلاة الفريضة. Donc il dit que premier point ou premier pilier de la prière, c'est de se tenir debout dans la prière obligatoire. Le cheikh il dit قال تعالى فإن لم تستطع pardon, قال تعالى وقوموا لله قانتين وحديث عمران مرفوعا صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. Donc le cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit et prié et tenez-vous debout devant Allah subhanahu wa ta'ala en obéissance. Et ça c'est dans le verset 238 de Surat al-Baqara. Ensuite le cheikh il mentionne un autre hadith qui est rapporté selon Amran ibn Hussein dans Al-Bukhari et par Abu Dawud et At-Tirmidhi également. Et ce hadith là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a prié debout. Il a dit priez debout. Si vous n'êtes pas capable, alors priez assis. Et si vous n'êtes pas capable, alors priez sur votre côté, c'est-à-dire allongé sur le côté. Ça c'est dans les cas où quelqu'un n'est pas capable de se tenir debout. D'accord? Ensuite le cheikh il continue à expliquer. Il dit فدلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه. Donc il dit que cette ayah et ce hadith, ça prouve l'obligation de prier debout si dans la prière obligatoire lorsqu'on en est capable. Ok, lorsqu'on est capable de prier debout, alors il faut le faire. Après il dit فإن لم يقدر على القيام لمرض صلى على حسب حاله قاعدا أو على جنب مثل المريض الخائف والعريان ومن يحتاج للجلوس أو الاتجاع لمداوات تتطلب عدم القيام وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه ولا يستطيع الخروج ويعذر أيضا بترك القيام من يصلي خلف الإمام الراتب الذي يعجز عن القيام. Donc il explique maintenant que si quelqu'un n'est pas capable de prier debout à cause d'une maladie, alors il prie dans la situation ou dans l'état où il est. Par exemple, s'il est assis, il prie assis. S'il est sur le côté ou allongé, alors il prie allongé. Comme par exemple quelqu'un qui est malade ou qui a peur ou qui est nu ou des choses comme ça, ou quelqu'un qui a besoin de s'asseoir pour ou de s'allonger pour un traitement ou un remède ou un traitement qui lui interdit de rester debout ou qui lui permet pas de se tenir debout. Donc dans ce cas-là, il prie dans l'état où il est. Et de même, le cheikh dit que la personne qui n'est pas capable de se tenir debout à cause d'un toit qui serait par exemple trop bas, si quelqu'un serait pris dans une pièce où le plafond est tellement bas qu'il n'est pas capable de relever sa tête, alors dans ce cas-là, yani, il reste dans la situation où il est, et surtout si, en particulier s'il n'est pas capable de sortir de cette pièce-là. Et le cheikh il dit également, il est excusé d'avoir abandonné ou d'avoir laissé tomber le fait de se tenir debout s'il prie derrière un imam qui est l'imam fixe dans une mosquée. C'est un imam ratib, celui qui est établi dans cette mosquée là comme imam comme officiellement, ou bien c'est lui qui est l'imam qui prie tous les prières, et que cet imam là prie assis parce qu'il est incapable de se tenir debout. Alors le cheikh dit فإذا صلى قاعدا فإن من خلفه يصلون قعودا تبعا لإمامهم لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى قاعدا وأمر من خلفه بالقعود. Donc le cheikh il dit que si par exemple cet imam là il prie assis, alors tous ceux qui sont derrière lui doivent également prier assis comme leur imam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était malade, il a prié assis et il a ordonné à tous ceux qui étaient derrière lui de prier assis également. Et ça c'est rapporté dans un hadith selon Anas dans Al-Bukhari et Muslim. OK. Après le cheikh dit wa salatu an-nafila yajuzu an tusalla qiyaman wa qu'udan fala yajibu al-qiyam fiha li thubut an-nabi sallallahu alayhi wa sallam أن لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر. Donc le cheikh il dit que Si c'est par contre, si c'est une prière qui n'est pas obligatoire, dans le sens que c'est une prière volontaire, et bien dans ce cas-là, il est permis pour lui de prier debout ou assis. Et ce n'est pas obligatoire pour lui de rester debout, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il priait les prières qui sont surérogatoires ou bien qui ne sont pas obligatoires, il les priait assis parfois et il les priait debout. Et sans qu'il y ait une excuse pour le faire. C'est-à-dire, on peut le faire même si on n'a pas d'excuse. Toutefois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que la prière qu'on fait assis, elle a la moitié de la récompense de la prière qu'on fait debout. Si on n'a pas d'excuse. Le cheikh ensuite, il dit, ça c'est le cheikh, il mentionne un hadith d'Abi Hurayra, la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait parfois assis, c'est le hadith d'Abi Hurayra rapporté dans Muslim. Ok, ensuite le cheikh il dit ar-ruknu thani takbiratu l'ihram fi awwaliha. Donc le cheikh il dit que le deuxième pilier de la prière, c'est de faire le takbir de l'ihram, takbiratu l'ihram, c'est-à-dire c'est le premier takbir, lorsque tu commences la prière, tu dis Allahu Akbar, ça c'est un pilier. Si tu l'as pas fait, ta prière est pas valable et tout ce qui vient après non plus. Le cheikh il dit, لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ وَكَبِّرْ. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque tu te tiens dans la prière, tu te mets en direction de la qibla, puis tu fais le takbir, tu kabbir, hein. Tu fais le takbir, tu dis Allahu Akbar. Ça c'est rapporté par Abu Huraira dans une des versions de la narration du hadith de la personne qui priait pas comme il faut. Okay, le hadith de Al-Musi fi Salati, ça c'est rapporté dans le Bukhari et Muslim. Ensuite le cheikh il dit, il donne une autre preuve, il dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam tahrimuha at-takbir. أخرجه مسلم. Ça c'est rapporté par Muslim et c'est selon Aïcha radiyallahu anha. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qui te fait entrer dans la prière, c'est le takbir. OK. Ensuite il dit ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير وصيغتها أن يقول الله أكبر ولا يجزيه غيره لأن هذا هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il dit que ça n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a commencé sa prière par autre chose que le takbir, c'est-à-dire en disant Allahu Akbar. Et donc il ne peut pas commencer par autre chose que Allahu Akbar parce que ça n'a pas été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok. Troisième pilier, le cheikh il dit qira'atul fatiha. Ça c'est le troisième pilier dans la salat. Le cheikh il dit li hadith la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Le hadith qu'il mentionne, le cheikh ça dit il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas lu la fatiha du livre, c'est-à-dire la fatiha dans le Coran. Et c'est rapporté par Ubadat ibn Samit dans Al-Bukhari et dans Muslim. Et le cheikh il dit wa qira'atuha ruknun fi kulli rak'ah wa sahha 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu kana yaqra'uha fi kulli rak'ah. Le cheikh il dit que de réciter la sourate Al-Fatiha dans chaque raka'a, c'est un pilier de la prière. Et c'est authentiquement rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la récitait dans chaque raka'a. Okay? Et le cheikh il dit هذا يعرف بالتتبع والاستقراء المأخوذ معناه ومضمونه من عدة أحاديث ومنها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في غيرهما. Le cheikh il dit que ça c'est prouvé par le fait que lorsqu'on relit les preuves et les hadiths et tout, on réalise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lisait Al-Fatiha dans chaque raka'a et que c'est un pilier. Ensuite le cheikh dit wa hinama 'allama sallallahu alayhi wa sallam المسيء في صلاته كيف يصلي أمره بقراءة الفاتحة. الشيخ المتفق عليه من حديث أبي هريرة ورواه البخاري. donc c'est un hadith rapporté par Abu Huraira qui est par Muslim également. Le cheikh il dit que ça c'est la personne qui a mal prié. C'est l'histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, si vous connaissez ce hadith. C'est le hadith de l'homme qui est rentré dans la mosquée et il a fait deux rak'ah et il est venu s'asseoir à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit salam alaykoum et tout, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit wa alaykoum salam. Il lui a dit lève-toi parce que tu n'as pas prié, hein. Alors le sahabi il s'est relevé, il a fait deux rak'ah, il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit encore une fois prie parce que tu n'as pas prié. Donc l'homme il s'est relevé encore une fois, il a fait encore la même chose, deux rak'at, et il a terminé, et il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit encore une fois, lève-toi parce que tu n'as pas prié. Alors l'homme, là il a compris que il n'y a rien à faire, même s'il se relève encore une fois, il ne connaît pas plus que ça. Il a dit, ya Rasulallah, qu'est-ce que j'ai fait, c'est ça ce que je connais, et je ne sais pas d'autre, je ne sais pas comment prier autrement. Alors, enseigne-moi, montre-moi comment prier comme il faut. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a décrit comment faire la prière comme il faut, et il lui a montré donc les choses qu'il doit respecter pour que sa prière soit correcte. Et parmi les choses qu'il a dit, lorsque tu te tiens debout, alors tu te tiens devant la Qibla et tu fais le takbir. Dis Allahu Akbar. Et lorsque tu as fait ça, ensuite tu récites Al-Fatiha. Ensuite tu récites ce que tu peux du Coran, ce que tu connais du Coran. Et ensuite, il a dit tu fais le takbir et puis tu fais le recours et tu restes comme ça jusqu'à ce que tu sois en paix dans le recours. Ensuite, tu dis Sami Allahu liman hamida et tu te relèves. Hein? Ensuite, tu fais le takbir et non, quand il a dit quand tu te relèves, il dit tu te relèves et tu restes comme ça jusqu'à ce que tu sois en paix, jusqu'à ce que tu sois redressé calmement, et tu restes comme ça et ensuite tu te prosternes, ensuite tu te relèves, tu dis Allahu Akbar, etc. Donc il lui a décrit chaque mouvement de la prière et lui a dit thumma tasjud, par exemple thumma tarka hatta tatma'inna raki'an. Donc, à chaque mouvement, il lui disait que il faut avoir tamanina, c'est-à-dire il faut avoir la sérénité, la paix dans les mouvements, et il faut attendre que tous nos os se remettent en place. Il faut pas passer d'un mouvement à l'autre sans s'être posé un peu, juste quelques secondes, juste pour dire que nos os sont revenus à leur place normale et qu'on prend notre temps pour vraiment être bien concentré durant la salat. Donc ça c'est le hadith de la personne qui a prié incorrectement, tel qu'il est rapporté dans il y a différentes versions, mais c'était juste pour vous rappeler, si vous au cas où vous auriez pas vous, au cas où vous ne vous souvenez pas, ou bien si vous le connaissez pas du tout, donc vous avez une petite idée maintenant de quoi on parle. Parce que le cheikh il fait allusion à ce hadith dans plusieurs piliers, dans plusieurs points de ce livre, dans ce chapitre. Donc le cheikh il dit ensuite هل وهل هي واجبة في حق كل مصلي أو يختص وجوبها بالإمام والمنفرد فيه خلاف بين العلماء والأحوط أن المأموم يحرص على قراءتها في الصلوات التي يجهر فيها الإمام وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية. Donc le cheikh il dit, est-ce que de réciter la salat, la Fatiha, c'est obligatoire pour toute personne qui prie, ou bien est-ce que c'est particulier ou particulièrement obligatoire pour l'imam seulement, ou bien pour la personne qui prie tout seul, hein? Et le cheikh il dit qu'il y a un désaccord dans ça entre les ulama, et il dit que le plus sûr, si tu veux être certain d'être correct, c'est que la personne qui est derrière l'imam, elle doit également réciter Al-Fatiha dans les prières dans lesquelles on ne lit pas à voix haute, dans lesquelles l'imam ne lit pas à voix haute, ou bien, il dit, et également dans les silences de l'imam dans la prière à haute voix. Donc, ici, on voit que le cheikh, il explique que la personne qui est derrière l'imam, il doit réciter. Si c'est une prière qui est faite à voix haute, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Si c'est une prière qui est faite à voix basse, il récite en lui-même. Ok? Il récite Al-Fatiha en lui-même. Et si c'est une prière qui est faite à voix haute, il récite dans les silences de l'imam. Ok? Et on voit ici que le cheikh, il amène une position qui est différente de celle qu'il avait donnée dans son livre Durusun min al-Qur'an al-Karim. On voit que dans l'autre livre Durusun min al-Qur'an al-Karim, il avait pris la position que celui qui est derrière l'imam, si l'imam récite à haute voix, il ne doit pas réciter Al-Fatiha. Toutefois ici, il mentionne une autre opinion qui dit qu'il récite dans les silences de l'imam. Et ça, c'est, inshallah, la meilleure opinion. Wallahu a'lam. Et c'est celle que j'ai étudiée quand j'étais en Arabie Saoudite, à Médine, que j'entendais la plupart du temps de la part des ulama. Ils disaient que si c'est une prière à voix basse, tu récites en toi-même. Et si c'est une prière à voix haute, tu récites en toi-même, pas à haute voix, en toi-même, mais entre les silences de l'imam. D'accord? Donc, tu récites à voix basse que personne à côté de toi peut entendre. D'accord? Juste pour dire que tu as récité Al-Fatiha, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a clairement dit que la personne qui prie, qui récite pas la sourate Al-Fatiha dans la salat, qui n'a pas de salat. Hein, qui n'a pas de salat. Donc c'est important de la réciter, que tu sois derrière l'imam ou que tu sois tout seul, et que ce soit une prière à haute voix ou que ce soit une prière à voix basse. Et entre les silences de l'imam, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, par exemple, quand l'imam dit, par exemple, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, là, il y a un petit silence, t'as le temps de réciter toi aussi, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Il dit après, Ar-Rahman Ar-Rahim, toi tu peux réciter Ar-Rahman Ar-Rahim tout après lui, etc., ainsi de suite. Hein? Ça, c'est une façon de le faire. Sinon, il y a une autre position, une autre parole des ulama qui disent, tu le récites après qu'il a terminé de lire Al-Fatiha. Il y a certains imams, par exemple, quand ils terminent de dire Amin, comme par exemple dans la sourate Al-Fatiha, après avoir dit Ghayr al-Maghdoubi alayhim wa al-Dallin, Amin, tout de suite après, on voit qu'il laisse un petit temps, ou un petit espace entre Al-Fatiha et la prochaine sourate. Donc, durant cette petite étape-là, ou de ce petit vide-là, ce petit silence, eh bien là, parfois, tu as le temps de réciter Al-Fatiha. Donc, tu en profites dans ce temps-là, sinon. Ou bien, sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut réciter après chaque verset, durant le silence de l'imam. Bien entendu, tu récites à voix basse, pour pas que la personne qui est à côté de toi soit dérangée par le fait que tu récites. Et non plus l'imam, bien entendu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de réciter derrière lui lors de la prière à haute voix. Et une fois un des compagnons récitait à haute voix derrière l'imam alors que l'imam récitait, et il a dit, est-ce que quelqu'un d'entre vous a récité? Alors le sahabi a dit, oui, j'ai récité. Alors il dit, j'avais l'impression que quelqu'un me débattait les versets de Coran. Donc c'est-à-dire, tu récites pas pour que l'imam puisse t'entendre, et tu récites pas non plus pour que la personne qui soit à côté de toi t'entende, mais tu récites tout de même les versets de Al-Fatiha, parce que c'est un pilier dans la salat. Naam. Donc ensuite le cheikh il dit ar-rukn ar-rabi', le quatrième pilier dans la salat, c'est ar-ruku' fi kulli rak'a. Donc il faut absolument faire le ruku', et le cheikh il dit li qawlihi ta'ala ya ayyuha alladhina amanu irka'u wasjudu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh vous qui avez cru, faites le ruku', c'est-à-dire inclinez-vous et faites le sujoud, isjudu, c'est-à-dire faites le sujoud, et donc ça, ça implique qu'on se prosterne devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on s'incline devant lui, et dans ce pilier-là en particulier, c'est ar-ruku dont on parle. Et ça, c'est dans le verset 77 dans Sourate Al-Hajj, et le Cheikh il dit وَقَدْ ثَبَتَ الرُّكُوعُ فِي السُّنَّةِ وَفِي سُنَّةِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. Donc le cheikh il dit que c'est rapporté que dans la sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le recours, et également c'est rapporté que c'est obligatoire dans le Coran et dans la sunna et dans l'ijma', c'est-à-dire dans le consensus des musulmans, des musulmans. Donc c'est obligatoire et yani c'est rapporté. Attends, le cheikh il dit ici c'est ça. Il y a beaucoup de hadith et de ayat et de hadith des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montrent de façon yani très très grande, c'est-à-dire par un très grand nombre de personnes, ça a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait à chaque fois, qu'il ne laissait jamais tomber cet aspect-là de la prière, c'est-à-dire le recours. Et il dit وهو في اللغة الانحناء, c'est-à-dire s'incliner dans la langue arabe. Un recours, c'est s'incliner et de se pencher. Al-inhina, c'est ça, tu te penches vers le devant. والركوع المجزئ من القائم هو أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة أي غير طويل اليدين أو قصيرهما. نعم. وقدر ذلك من غير وسط الخلقة نعم. والمجزئ من الركوع في حق المصلي الجالس مقابلة وجهه من وراء ركبتيه في الأرض من الأرض. Donc le cheikh il explique ici et il dit que yani le recours qui est accepté ou qui est correct et qu'il faut respecter pour qu'il soit valable, la description de ce recours là c'est que tes deux mains arrivent sur tes genoux, et ça c'est dans le cas où t'as les bras d'une longueur moyenne, c'est-à-dire pas trop long et pas trop courte, parce que si t'as les bras trop longs, donc tu vas pas être 90 degrés dans ton recours, ton dos va pas être à 90 degrés, donc tu vas pas être incliné suffisamment parce que tes bras sont trop longs, donc ça veut dire tu vas être incliné vers le haut et ça c'est pas correct. Et si tes bras sont trop courts, ben tu vas être incliné vers le bas, ta tête va pencher plus bas 90 degrés, et donc tu n'auras pas respecté le recours qui est correct. Donc le cheikh il dit que c'est dans le cas où une personne est la longueur de ses bras sont moyenne, dans ce cas-là oui il va arriver exactement à 90 degrés. Sinon si ses bras sont plus longs ou plus courts, eh bien il essaie de faire en sorte que son dos sera toujours 90 degrés en pliant un peu ses bras s'ils sont trop longs, ou en s'arrangeant yani s'ils sont trop courts pour yani faire en sorte qu'il est à 90 degrés. Et le cheikh ensuite il dit que la personne qui est assis quand elle fait le recours, il dit في حق المصلي الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض. Donc pour la personne qui est assise, il faut que son visage arrive à la hauteur de ses genoux, sur le sol, par rapport au sol, son visage arrive à la hauteur de ses genoux environ par rapport au sol lorsqu'il prie assis, d'accord. Ensuite, le cheikh il dit لأنه صلى الله عليه وسلم, donc ça c'est l'exemple du prophète صلى الله عليه وسلم. Ensuite il dit الركنان الخامس والسادس الرفع من الركوع والاعتدال واقفا كحاله قبله. Donc, c'est-à-dire que le cinquième et le sixième pilier, c'est quoi? C'est de se relever du recours et de se mettre droit, debout, comme il était auparavant. C'est-à-dire quand il a commencé, quand on lit Al-Fatiha, on est debout. Et donc, après le recours, après avoir fait le recours, on se relève et on reste le dos droit comme on était avant d'avoir fait le recours. Et le cheikh il donne comme preuve de ça, لِأَنَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دَوَمَ عَلَى فِعْلِهِ وَقَالَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي وَصَلِّهِ. Le cheikh il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم il le faisait tout le temps, et donc il a dit priez comme vous m'avez vu prier, et, étant donné qu'on ne l'a jamais vu prier autrement, alors c'est la façon dont on doit le faire, c'est-à-dire de se relever debout après le recours. Après le cheikh il dit ar-ruknu as-sabi' as-sujud, c'est-à-dire que le cinquième pilier dans la prière c'est de faire le sujud, c'est-à-dire de se prosterner. Wa huwa wad'u al-jabhati 'ala al-ard wa yakunu 'ala al-a'dha' as-sab'a fi kulli rak'ah marratayn li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam wasjudu. OK. Le cheikh il dit que le sujoud c'est quoi? C'est de mettre sept parmi les membres de notre corps sur le sol. Et ça on le fait deux fois dans chaque rak'a, c'est-à-dire on fait deux fois le sujoud dans une rak'a. Dans chaque rak'a donc on se prosterne deux fois. Et le sujoud hein, c'est de mettre son visage et son visage sur le sol, et le cheikh il va expliquer le détail de ça. Il dit فَالْأَعْضَاءُ السَّبْعَةُ هِيَ الْجَبْهَةُ وَالْأَنْفُ وَالْيَدَانِ وَالرُّكْبَتَانِ وَالطَّرَفَانِ وَأَطْرَافُ الْقَدَمَيْنِ. Le cheikh il dit que les sept membres qu'on doit placer par terre durant la sujoud, c'est de placer le front, le nez, ça fait un. Le front et le nez, c'est compté pour un. Ensuite, les deux mains, les deux genoux et les deux pieds, les deux bouts des pieds, les deux bouts des orteils. Ça fait en tout sept. Hein, si on compte le nez et le front ensemble, ça fait un. Les deux mains, les deux genoux et les deux pieds, ça fait sept. D'accord? Et donc, lorsqu'on met notre visage par terre, ça c'est la partie de notre corps qui est le plus, qui a le plus de valeur dans notre corps, parce que notre visage, c'est l'endroit où, c'est la partie qui est le plus honorée chez un être humain. Et qu'est-ce qu'on fait? On le pose par terre, on le pose sur le sol. Et le sol, c'est l'endroit où on marche avec nos pieds. Donc, c'est comme si, quand on fait la prosternation, on met la partie de notre corps la plus, la plus noble, et on la met par terre devant Allah subhanahu wa ta'ala pour dire que en réalité on s'est humilié et on s'humilie devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la soumission, hein, et c'est un des plus grands signes et des plus grandes représentations de la signification de la soumission pour Allah subhanahu wa ta'ala. OK. Ensuite le cheikh il continue et il dit فلابد ان يباشر كل واحد من هذه الأعضاء موضع السجود حسب الإمكان. والسجود أعظم أركان الصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأفضل الأحوال حال يكون العبد فيها أقرب إلى الله وهو السجود. الشيخ explique, il dit que il faut absolument que chacun de ces membres-là qu'on a mentionnés touche le sol. Et le cheikh il dit que ça c'est selon la capacité de la personne. Si quelqu'un est incapable pour une raison valable, dans ce cas-là il n'y a pas de problème. Et le cheikh il dit وَالسُّجُودُ أَعْظَمُ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ. Le sujoud c'est un des plus importants parmi les piliers de la salat. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quelqu'un n'est jamais plus près de son Seigneur que lorsqu'il est prosterné. D'accord? Donc c'est le moment où quelqu'un est le plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous incitait d'augmenter nos invocations durant le moment qu'on est en sujoud, qu'on est prosterné. Et ça c'est rapporté par Muslim, dans le Sahih Muslim, selon Abi Huraira. Ensuite, le Cheikh il dit: wa afdalu l'ahwal halu yakunu l'abdu fiha aqrabu ila Allah wa huwa sujoud. C'est-à-dire le meilleur état d'une personne, la meilleure situation dans laquelle tu peux être, c'est lorsque tu es prosterné, hein, parce que ça c'est la chose que Allah subhanahu wa ta'ala préfère le plus parmi les parmi nos actions dans la salat. Ensuite le Cheikh il dit: والركن الثامن, le huitième pilier dans la prière, c'est quoi? Cheikh il dit: الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا رواه مسلم. Donc le Cheikh il dit que un autre pilier de la salat c'est le fait de se relever de la salat, de se relever du sujoud pour s'asseoir entre les deux prosternations. Ça, c'est un des piliers de la salat également. Les qawli Aisha, radiallahu anha, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا رواه مسلم. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il relevait sa tête entre les sajdah, ou bien qu'il relevait sa tête de la prosternation, de la sajda, il ne se reprosternait pas jusqu'à ce qu'il soit vraiment droit, assis droit. Ok? C'est-à-dire que entre les deux prosternations, tu dois prendre ton temps de bien t'asseoir calmement et le dos droit comme il faut. Puis par la suite, tu te reprosternes entre les deux. Après la pause que tu as fait assis, tu te reprosternes encore une fois. Ça, c'est rapporté selon Muslim, encore une fois, dans son livre de Sahih. La neuvième condition, le Cheikh il dit: الركن التاسع الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة. Donc le Cheikh il dit que donc il faut comme neuvième condition avoir une certaine sérénité et un certain calme, yani lorsqu'on prie. Il ne faut pas qu'on prie tellement rapidement qu'on se précipite d'un geste à l'autre et qu'on prenne pas le temps de vraiment prendre une pause entre chaque mouvement pour vraiment être concentré. Et ça c'est triste parce qu'on voit de plus en plus des gens qui parfois prient tellement rapidement, on dirait qu'ils font la course. On dirait qu'ils font la course, ils ne s'arrêtent même pas entre un mouvement et un autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé justement à l'homme qui avait mal prié ou qui avait mal fait sa prière de refaire sa prière, justement parce qu'il n'avait pas bien pris son temps entre chaque mouvement dans la salat. Et donc c'est ça qui a fait en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de refaire sa salat à chaque fois. Hein? Donc ça c'est important donc de prendre ça en considération. Et le Cheikh il dit que ça c'est prouvé par le Coran et la Sunna, et que celui qui n'a pas pris le temps de bien se reposer, hein, même si c'est une petite pause, c'est-à-dire même si c'est quelques secondes, une ou deux secondes seulement, yani ça suffit. Puis yani celui qui ne prend pas de pause du tout, qui fait juste faire un mouvement et l'autre comme ça, comme une course, eh bien c'est comme s'il n'a pas prié, et on lui demande ou il doit être ordonné de la refaire sa prière, parce qu'elle n'a pas de valeur si elle est faite de cette façon-là. Le Cheikh il dit: الركن العاشر والحادي عشر, le dixième et le onzième pilier dans la prière, c'est quoi? Le Cheikh il dit: التشهد, c'est un des piliers, et également الجلسة ou التشهد الأخير وجلسته, c'est-à-dire quand on parle du تشهد, on parle du dernier تشهد et le fait de s'asseoir à la fin de la prière. D'accord? Parce que le premier tashahhud qu'on fait après les deux premières rak'at, c'est pas considéré comme un pilier. Donc c'est pas considéré comme un pilier. Toutefois, le dernier c'est considéré comme un pilier. De s'asseoir à la fin et de faire le tashahhud à la fin de la salat, ça c'est considéré comme un pilier. Et le Cheikh il dit: wa huwa at-tahiyyah أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره واللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Donc يعني tu récites ces dua-là après la salat, pardon, tu récites ça durant le tashahoud, je veux dire, pardon. Oui, donc tu récites ça durant le tashahoud et le cheikh il dit وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لازمه. C'est-à-dire le prophète صلى الله عليه وسلم il le faisait tout le temps. وهذا يعرف بالاستقراء الذي ثبت مضمونه من مجموعة أحاديث منها حديث عائشة كان يقول في كل ركعتين التحيات أخرجه مسلم و في كتاب الصلاة نعم أخرجه مسلم. Donc l'imam muslim il a rapporté selon Aisha que le prophète صلى الله عليه وسلم il faisait ce dua là, cette invocation là entre chaque deux rak'a. Donc tu fais le dua de tashahud التحيات لله والصلوات والطيبات, on va le décrire bientôt après inshallah. Après tu dis Allahumma salli ala Muhammad wa ala al Muhammad, on appelle la salat al ibrahimiyya, c'est-à-dire là, on envoie le salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur Abraham. Et ensuite donc le cheikh il dit wa qala sallu kama ra'aytumuni usalli wa qala ibn mas'ud kunna naqulu qabla an yufrad at-tashahhud fa qawluhu ta'ala kunna نقول قبل أن يفرض التشهد فقوله قبل أن يفرض دليل على فرضه وسسا. Donc le cheikh il mentionne comme preuve le hadith qui dit priez comme vous m'avez vu prier, et il mentionne également une autre preuve qui est rapportée selon Ibn Mas'ud qui dit avant que le tashahud soit commandé ou ordonné, eh bien on disait telle ou telle chose. Et le cheikh il mentionne que le fait que Ibn Mas'ud a dit on le faisait avant que ce soit obligé ou ordonné, ça prouve que yani c'est obligatoire, ça prouve que c'est obligatoire puisque il dit avant que c'était ordonné ou commandé, donc ça prouve que c'est ordonné maintenant. Ensuite le cheikh il dit ar-ruknu thani ashar, le 12e pilier c'est يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير, c'est-à-dire d'envoyer le salam sur le prophète صلى الله عليه وسلم dans le dernier tashahud, c'est-à-dire بأن يقول اللهم صل على محمد وما زاد على ذلك فهو سنة. Donc le cheikh il dit que dans le dernier tashahud d'envoyer le salam sur le prophète صلى الله عليه وسلم, ça c'est un des piliers de la salat. Et yani, il dit que ce qui est obligatoire ou ce qui est le pilier, c'est juste de dire Allahumma salli ala Muhammad, tandis que le reste wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid, il dit le reste ça c'est sunnah. Mais qu'est-ce qui est obligatoire ou qu'est-ce qui est un pilier, c'est de dire Allahumma salli ala Muhammad. Si t'as dit ça jusqu'à Muhammad, ça y est, t'as fait le pilier de la salat. Toutefois, si tu fais plus, alors ça c'est considéré comme sunnah, ok? Comme n'étant pas obligatoire. Ensuite, le cheikh il dit ar-ruknu thalith ashar, at-tartibu bayna al-arkan, d'accord? C'est-à-dire l'ordre qu'on doit suivre entre chaque mouvement durant la salat doit être respecté. Ça c'est un pilier dans la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh dit لِأَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يُصَلِّيهَا مُرَتَّبَةً وَقَالَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَقَدْ عَلَّمَهَا لِلْمُصِي مُرَتَّبَةً oui c'est ça. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il priait toujours les prières en ordre, d'accord, il changeait pas l'ordre des mouvements ou des gestes qu'on fait dans la salat. Et donc il dit la preuve de ça c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit priez comme vous m'avez vu prier, et Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc enseigné à la personne qui avait fait sa prière incorrectement, comme on a mentionné tout à l'heure. Il lui a dit à chaque mouvement thumma, thumma, donc ça veut dire ensuite. Donc ça prouve qu'il doit y avoir un ordre, hein, un ordre dans les mouvements, parce qu'il dit ensuite tu fais ça et ensuite tu fais ça. Donc ça prouve qu'il y a un ordre. Tu peux pas faire la prière comme un recours, puis après tu dis ah je vais me lever, puis là après tu dis ah j'ai envie de faire un sujoud, après tu te relèves encore. Tu vois, il faut respecter l'ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit dans la salat, sinon ta prière va pas être acceptée, parce que c'est un pilier de la salat. Ensuite le cheikh il dit ar-ruknu ar-rabi'a ashar at-taslim. Le cheikh il dit que le dernier pilier de la salat, le 14, numéro 14, c'est at-taslim. Donc le numéro 14 c'est at-taslim. Le cheikh il dit li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam wa khitamuha at-taslim, c'est-à-dire elle est terminée, complétée par le taslim. Ensuite il dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wa tahliluha at-taslim. D'accord? Donc il est également rapporté ce hadith par l'imam muslim selon Aïcha, et yani le cheikh il dit wa fi hadith وفي حديث على عند في حديث علي عند الخمسة إلا النسائي. Donc également un autre hadith également qui est rapporté selon Ali, on trouve le deuxième terme qui a été mentionné في تحليلها يعني التسليم, c'est-à-dire pour terminer la salat, pour en sortir il faut يعني il faut faire le taslim, dire assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Et il dit fa at-taslimu shuri'a lit-tahalluli min as-salati fa huwa khitamuha wa alamatu intihaiha. Donc c'est nécessaire de faire le taslim pour terminer la salat, et il dit que la salat c'est yani elle est terminée par le taslim, et ça c'est un des signes qu'elle est terminée lorsqu'on fait le taslim. Maintenant, pour terminer cette section, le cheikh il conclut en disant أيها القارئ الكريم من ترك ركنا من هذه الأركان فإن كانت تحريما لم تنعقد صلاته. Le cheikh il dit ô toi qui as yani, lu ou qui a écouté cette lecture aujourd'hui, yani, si tu as laissé tomber un des piliers de la prière, alors si c'était le takbir de l'ihram, c'est-à-dire le premier takbir lorsque tu commences la prière, si c'est ça que tu n'avais pas fait, alors dans ce cas-là ta prière n'a même pas été comptée depuis le début. Wa in kana ghayra at-tahrima wa qad tarakahu 'amdan batalat salatuh. Le cheikh il dit que si c'était yani un autre pilier que tu abandonnes autre que tahrim, que un autre pilier de la prière que le takbiratul ihram, et que tu l'as abandonné volontairement, dans ce cas-là ta prière elle est pas valable, elle est pas valable. Mais si tu l'avais laissé tomber par exemple par oubli ou par erreur, comme par exemple le fait que par exemple t'as oublié un rukou' ou un sujoud, hein? Le cheikh il dit par exemple wa in kana tarkuhu sahwan, hein, wa qad tarakahu kana wa kana ghayra at-tahrima wa qad tarakahu 'amdan batalat salatuhu aydan wa in kana tarkuhu sahwan ka ruku'in aw sujudin فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى فإنه يعود ليأتي به وبما بعده من الركعة التي تركه فيها. Donc le cheikh il dit si la personne il réalise qu'il a oublié un pilier, qu'il a abandonné un pilier ou qu'il n'a pas fait un pilier de la prière, et qu'il a fait le salam, il a fait le taslim, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Donc là il a fini sa prière. Maintenant il réalise qu'il a oublié de faire le tashahud, ou bien il a oublié de faire le taslim, il a oublié de dire assalamu alaykum, et puis il est sorti de la prière tout de suite sans faire le taslim ou bien sans faire le tashahud. Le cheikh qu'est-ce qu'il dit? il dit atabihi wa sajada lisahu wa sallam. Il le fait tout de suite. Il termine sa prière et il a oublié de faire tashahud ou bien de faire le salam. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il le fait tout de suite et il fait sujud sahou. Il fait les deux prosternations pour corriger son erreur ou son oubli et il fait le taslim. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Mais si par contre c'était autre que le taslim et le tashahud qu'il a oublié, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Comme si par exemple c'était un rukou ou un sujud, ok? Il a oublié de faire un de ces piliers-là dans sa prière. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il refait une nouvelle raka'a au complet pour remplacer la raka'a qu'il avait abandonné ce pilier-là dedans. Et qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il fait sujud sahou. Il fait deux prosternations pour corriger cet oubli-là. D'accord? ما لم يطل الفصل ما لم يطل الفصل اوكي دونك وان كان غيرهما كركوع او سجود فانه ياتي بركعه كامله بدل الركعه التي تركه منها ويسجد للسهو. Ça c'est qu'est-ce que j'ai traduit maintenant. Après qu'est-ce qu'il dit? Il dit mais si ça c'est seulement s'il n'y a pas une longue période de temps entre le fait que tu as fini ta prière et que tu as réalisé que tu as oublié quelque chose. S'il y a une petite durée de temps entre les deux, là, c'est ça que tu fais. Tu refais une nouvelle raka'a et tu fais une nouvelle raka'a pour remplacer celle que dans laquelle tu avais oublié un pilier et tu fais sujoud de sujoud, hein, pour corriger ton erreur. Ça, c'est si tu n'avais pas laissé une grande période de temps entre le temps que tu as terminé ta prière et le temps où tu es oublié, où tu t'es souvenu. Toutefois, si par exemple, il y a une longue période de temps qui s'est passée, que tu as soit perdu ton wudu, hein, ou bien qu'il y a une période de temps assez longue qui s'est passée entre la prière et le fait que tu t'es souvenu de ça, donc dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu refais la prière au complet. Tu refais ta prière au complet. Comme le cheikh il dit, ma lam yutil, ou ma lam yatul al-fasl, fa in tal al-fasl, ou in taqada wudu'uhu, a'ada al-salata kamilatan. Fa ma a'zama hadhihi al-salah, wa ma tashmilu min al-aqwal wa al-af'al al-jalila. Wafaqa Allah al-jami' li'iqamatiha wa al-muhafazati 'alayha. Donc le cheikh il dit, comme elle est grande cette salat et son importance est grande et comment elle comprend les paroles et les actions qui sont des paroles et des actions vraiment importantes. Et donc que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le succès à nous tous de l'établir comme il faut et de la préserver et de la garder. Donc ça c'est la première partie de ce chapitre qui parle des piliers de la prière, des choses qui sont vraiment fondamentales dans la prière. Que si, comme le cheikh a dit, si on les a pas fait, eh bien la prière sera pas valable. Et on a donné des exemples de ça. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui, et puis on va continuer la semaine prochaine à expliquer la deuxième catégorie ou le deuxième aspect dans la prière, c'est-à-dire les obligations et les choses qui sont recommandées également. On va expliquer ça la semaine prochaine, ainsi que la description, inshallah, de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh.